50 languages. 37. 37. 37. في الطريق. En route. En route. إنه يركب دراجة نارية. Il va en moto. Il va en moto. إنه يركب دراجة هوائية. Il va à bicyclette. Il va à bicyclette. إنه يسير على الأقدام. Il va à pied. Il va à pied. مضى بالسفينة. Il va en bateau. Il va en bateau. مضى بالقارب. Il va en barque. Il va en barque. إنه يسبح. Il nage. Il nage. هل هذا المكان خطر؟ Est-ce que c'est dangereux ici? Est-ce que c'est dangereux ici? هل هناك خطر إن حاولت السفر بإيقاف سيارة؟ Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'autostop? Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'autostop? هل التنزه ليلا خطر؟ Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit? Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit? لقد ضللنا الطريق. Nous nous sommes trompés de chemin. Nous nous sommes trompés de chemin. نحن في الطريق الخطأ. Nous sommes sur le mauvais chemin. Nous sommes sur le mauvais chemin. علينا أن نعود من حيث أتينا. Nous devons faire demi-tour. Nous devons faire demi-tour. أين يمكن إيقاف السيارة؟ Où peut-on se garer? Où peut-on se garer? هل هناك موقف للسيارات؟ Y a-t-il un parking ici? Y a-t-il un parking ici? كم من الوقت يمكنني الوقوف هنا؟ Combien de temps peut-on se garer ici? Combien de temps peut-on se garer ici? هل تمارس التزحلق على الجليد؟ Faites-vous du ski? Faites-vous du ski? هل ستصعد إلى القمة بالمصعد الهوائي؟ Est-ce que tu montes avec le téléski? Est-ce que tu montes avec le téléski? هل يمكنني استئجار زلاجات؟ Est-ce qu'on peut louer des skis ici? Est-ce qu'on peut louer des skis ici?